Les négros, Primo Hit Parade, et moi Costes, je suis pauvre et malade. Les bicots friment sur les stades, et moi pauvre blanc, handicapé, je devrais supporter leurs exploits, mon chemin de croix. À jamais, au grand jamais, je ne veux voir à la télé les négros et les bicots plus forts que moi. C'est assez, c'est assez, je ne veux plus entendre parler que leurs exploits. Mon chemin de croix. Parce que moi, personne me prend en photo. Parce que moi, j'ai pas une gueule de bicot. Parce que moi, personne s'intéresse à moi. Parce que moi, j'suis pas un négro. J'suis pas un négro. Ah, il faut comprendre la psychologie du blanc. Depuis si longtemps, le blanc est habitué à être le maître, le héros. À être le maître, le héros. Alors introduisez lentement de bicot s'il le faut. Introduisez lentement les queues de négro que je m'habitue. Progressivement, bicot négro, enculé le blanc, il y prendra goût peu à peu. Mais trop brusquement, il va bouger, il va crier, il va pleurer. Je le vais tuer. Ah, je l'ai tué. Enculez-moi tout doucement. Faut pas déchirer mon petit trou rose, car le cul d'un blanc ne connaît que les doigts blancs et la carotte rose. La carotte rose. La carotte rose. Et t'as maté la gueule du négro là, non sans déconner. Putain, sa gueule. On dirait un gros cul plein de merde, sa gueule. Carrément, regarde ça, putain. Ah, oh, il se marre. Ah, regarde ses grosses lèvres se marrer, putain. Ah, c'est dégueulasse, ses grosses lèvres rouges qui se marrent, putain. Ah, oh, ça pue, on dirait carrément un anus plein d'hémorroïdes. Oh là là là là là, ça craint de voir ça à la télé, carrément.